Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1960, au cours d'une série de 7 entretiens accordés à Hélène Tourner, Jean Renoir évoquait le souvenir de la décennie qu'il passa aux États-Unis entre 1941 et le début des années 50. Après avoir évoqué dans les premiers entretiens les circonstances de son arrivée à New York, puis sa découverte de Los Angeles, il racontait, dans le cinquième moment de cette rencontre, l'expérience que constitua la réalisation de son premier film américain, « Les temps tragiques ». Le film était produit par Daryl Zanuck, le tout-puissant patron de la 20th Century Fox. Entretien avec Jean Renoir par Hélène Tourner, cinquième épisode, première diffusion sur France 3 Nationale le 10 juin 1960. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourner. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, dès votre installation aux États-Unis en 1940, vous avez, je crois, tourné un film. Oui, j'ai tourné un film pour la 20th Century Fox. Et qui, à cette époque-là, avait à sa tête, à la tête du service de la production des films, Daryl Zanuck. Vous vous entendez bien avec Daryl Zanuck ? Oui, oui, très bien. C'est un homme qui adore le cinématographe. Moi aussi, j'aime bien le cinématographe. Et quand on a le même amour, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Comment est-il ? Eh bien, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. C'est un homme qui a sa conception des films. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas pu rester travailler avec lui, parce que moi aussi j'ai ma conception de mes propres films, et je ne dis pas que j'ai forcément raison, je peux me tromper très souvent, et je me trompe tout le temps d'ailleurs, mais enfin, chacun suit sa petite idée et sa destinée, de sorte que, comme Zanuck est un homme qui peut influencer vraiment la production de beaucoup de metteurs en scène, il a une puissance de travail incroyable, c'est un très grand monteur. C'est un homme qui était dans la salle de montage tout le temps. Mais enfin, il faisait un peu pour moi, non pas pour moi, moi vraiment il était très chic avec moi, il était merveilleux. Mais enfin, il faisait un peu pour la plupart des metteurs en scène, ce que personnellement j'aime faire moi-même. Alors après le premier film, et malgré les très bons résultats, et malgré le fait que nous nous félicitions tous les deux de notre collaboration, je lui ai demandé de me rendre ma liberté. J'avais un contrat pour plusieurs films avec lui, et très gentiment, il a déchiré le contrat, et nous sommes restés très bons amis. Et vous avez tourné, pour lui, Les temps tragiques, je crois. Oui, qui s'appelle Swampwater, qui veut dire marécage en anglais, et je ne sais pas pourquoi, marécage est devenu Les temps tragiques, mais enfin, il faut croire que ça fait mieux en français. En fait, d'ailleurs, cet étang était, dans l'histoire était assez tragique. Mais voulez-vous nous raconter dans quelles conditions et où vous avez tourné ce film ? Eh bien, c'est une histoire. Remarquez, il faut d'abord que je vous dise que je dois à l'étang tragique une des choses importantes de ma vie. Je lui dois d'avoir fait la connaissance de Dudley Nichols. Dudley Nichols est un écrivain que j'admirais, un écrivain pour film, un écrivain de scénarii, que j'admirais beaucoup depuis très longtemps, parce que c'est lui qui a écrit les meilleures histoires pour John Ford. C'est lui qui a écrit le Long Voyage Home, c'est lui qui a écrit Le Mouchard, c'est lui qui a écrit Stagecoach, n'est-ce pas? Cette histoire, vous savez, de la traversée du désert par une diligence attaquée par les Indiens. La chevauchée fantastique. La chevauchée fantastique, voilà. Et vous pensez si j'étais plein d'admiration pour lui. Et Zanuck m'a fait lire des dizaines et des dizaines de scénarios en me demandant de choisir. Et je suis tombé sur ce scénario écrit par Dudley Nichols. Et non seulement à cause de mon admiration pour lui, mais parce que le scénario était vraiment très bon, j'ai demandé à le tourner. Et j'ai demandé à collaborer avec Dudley Nichols pour pouvoir ajuster ce scénario à ma propre façon de travailler. Alors nous avons collaboré, ça a été plus qu'agréable, et j'ai tourné un film qui a fort bien marché. D'ailleurs, dans ce film, j'ai même eu... Enfin, j'ai eu de grandes joies dans ce film. Par exemple, on voulait me donner les plus grandes vedettes de la Fox, et j'ai préféré travailler avec des inconnus, avec un jeune homme et une jeune fille qui étaient parmi la foule des petits acteurs du studio. Ça a un petit peu étonné, mais on m'a laissé faire, on me l'a permis, et c'est comme ça que j'ai pu donner de bons rôles pour la première fois dans leur vie à Anne Baxter et à Dana Andrews, qui sont depuis devenues des vedettes extrêmement importantes. Et alors, il y a une autre chose. Le film, en principe, devait se tourner à Hollywood, dans la banlieue de Hollywood et dans des studios. J'ai expliqué à Zanuck que ce sera peut-être pas mal, puisque l'action se passait en Géorgie, de le tourner en Géorgie. Et il a été tout à fait d'accord et nous sommes partis pour la Géorgie. Comment est la Géorgie? Ah ben voilà. Remarquez, je ne peux pas vous parler de toute la Géorgie, parce que nous avons débarqué à Atlanta. Et Atlanta, c'est d'abord une ville extraordinaire. C'est tout de même la ville qui a été détruite au temps de la guerre civile par les gens du Nord, n'est-ce pas? C'est la ville où les confédérés ont eu leur plus cuisante défaite. Et c'est resté le Sud, n'est-ce pas? C'est resté le Sud des confédérés. Mais enfin, la partie que je connais bien, c'est la partie où j'ai tourné le film. Et ça, c'est un endroit admirable. C'est un marais. C'est un marécage, comme le nom du film l'indique, qui se trouve à cheval, d'ailleurs, sur le sud de la Géorgie et le nord de la Floride. Ce marécage s'appelle Okefenokee. Joli nom. C'est un très joli nom et il mérite son nom. Et c'est devenu une réserve. C'est-à-dire qu'il est interdit d'y chasser, d'y couper des arbres, d'y pêcher ou d'y détruire quoi que ce soit. Il y a des arbres dans ce marécage? Il y a des arbres extraordinaires, des arbres qui sont des conifères. Ce sont des espèces de cyprès ou des espèces de pins, de sapins. Plus près du cyprès, ils plongent dans l'eau, beaucoup sortent de l'eau, avec de la terre qui s'est agglomérée autour du tronc, qui prend l'allure d'une sorte d'entonnoir renversé, et des feuillages pend beaucoup de mousse espagnole. Vous savez, cette espèce de dentelle qu'il y a dans les pays du Sud aux États-Unis, et alors de l'eau toute noire, parce qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer. Cet oxyde de fer, d'ailleurs, a un avantage, c'est de supprimer les moustiques. Les moustiques n'aiment pas ça. Malheureusement, il y a des mouches jaunes qui adorent probablement cet oxyde de fer et qui vous environnent et qui vous piquent assez méchamment. Et alors, ce territoire est un territoire resté absolument comme il était il y a 100 ans. Ça n'a pas bougé. On y rencontre des quantités d'animaux très intéressants, n'est-ce pas? On y circule beaucoup en petits canots. N'est-ce pas? Et on rame tout doucement pour ne pas effrayer les animaux. Mais quels animaux? Eh bien, d'abord, on est entouré de tortues géantes et assez méchantes. Elles se mettent sur des souches d'arbres au passage de votre petit canot et puis elles essayent de vous donner des grands coups de bec. Elles essayent de mordre. Elles sont grandes comme cette table, n'est-ce pas? Et puis alors, il y a énormément de petits crocodiles, même des grands, des très grands même, mais enfin, on en voit surtout des petits. Je me rappelle, il y en a un petit qui nous suivait beaucoup pendant notre travail dans le marais. Il sortait un œil de l'eau, n'est-ce pas? Et alors, on lui faisait peur, on claquait des mains, il disparaissait, plongeait, puis repartait de l'autre côté, il reparaissait de l'autre côté du bateau. Oui, c'est un endroit absolument extraordinaire. Il y a malheureusement beaucoup de serpents assez venimeux. Il y en a un notamment que j'ai montré dans le film. J'ai pu tourner une scène très intéressante avec. On appelle ces serpents-là la bouche de coton, parce que quand ils ouvrent la bouche, c'est tout blanc. Mais alors, ceux-là, s'ils vous mordent, on n'en a pas pour 5 minutes. C'est très venimeux. Puis alors, il y a des flamants roses, il y a des grues. C'est très beau, vous savez, on glisse silencieusement sur cette eau noire, puis brusquement, un tournant d'arbre, n'est-ce pas? On est devant une troupe de flamants roses qui s'envolent tout doucement, très majestueusement. Et puis il y a encore quelques panthères noires, pas beaucoup. Enfin, j'en ai tout de même vu une ou deux. Des ours, il y en a presque plus. Mais il y en avait beaucoup autrefois. Il y a alors des animaux comme des sangliers, il doit y en avoir pas mal. Des renards, naturellement, des cerfs, des biches, en quantité. Mais de quoi vivent les personnes qui habitent là? D'abord, comment vivent-elles? Quelles sont ces personnes? Quels ont été vos premiers contacts? Eh bien, mes premiers contacts ont été extrêmement agréables. Parce que je n'étais pas un Yankee. N'est-ce pas? Dans ce pays-là, il ne faut pas être Yankee. N'est-ce pas? Il faut d'abord être du Sud. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais enfin, si on n'est pas du Sud, on peut être espagnol, on peut être français, on peut être tout ce qu'on voudra. Californien, ça va encore. Mais un Yankee, je me rappellerai toujours, je voulais visiter une petite ferme qui était au bord du Barret, et une petite ferme toute en bois. Parce que là-bas, naturellement, tout est en bois. Et dans cette ferme, d'ailleurs, je vous dirai comment j'y ai pénétré, mais je vais vous dire tout de suite que tous les ustensiles étaient en bois. Seules deux ou trois casseroles qu'on mettait sur le feu étaient en poterie. Mais tout le reste, par exemple le puits, était en bois, le seau en bois. Il n'y avait même pas une corde pour le puits, il y avait une espèce de système de levier en bois, plongeant dans le puits. La cheminée, la maison naturellement est en bois. Et dans la cheminée, où on fait rarement du feu parce que c'est un climat assez chaud, c'est un climat presque tropical. Alors dans la cheminée, au cas où on ferait du feu, il y a de la terre glaise qu'on a mis à la main contre les parois en bois, contre les parois intérieures de la cheminée qui sont en bois. Alors, vous voyez, c'est une atmosphère extraordinaire. On se sent transporté à plusieurs centaines d'années en arrière. Beaucoup d'habitants de cette région, je ne dis pas maintenant, je vous parle d'il y a 15 ans, mais quand je suis allé là-bas, je n'avais jamais vu une lampe électrique et ignorait naturellement ce que peut être la radio. La plupart d'entre eux s'éclairaient au pétrole ou alors avec des sortes de chandelles. Alors, les gens sont très pauvres, étaient très pauvres, maintenant ça a bien changé. Parce que je crois que je ne retrouverai plus cela maintenant parce qu'il y a eu la guerre a amené de l'industrie et cette industrie a donné du travail à des quantités de gens et ces gens se sont évidemment transformés. Mais à cette époque-là, les gens vivaient encore surtout en gratouillant la terre autour de la ferme et en cultivant un peu de tabac. Ce tabac, ils le vendaient ou surtout ils le fumaient. Et je dois dire qu'ils ne le fumaient pas pur. Il y a une herbe sauvage qu'on va récolter dans le marécage aux environs. Cette herbe, on la fait sécher et ça donne ce goût sucré que vous connaissez, qui est assez fort dans certaines cigarettes américaines. Ce n'est pas du tabac, ce goût sucré. C'est une herbe dont j'ai oublié le nom. Alors, les maisons sont en bois. Elles ont ce qu'on appelle un porche, c'est-à-dire un toit avançant soutenu par des bouts de bois. Et puis alors, le long des parois de la maison, le long des murs, on a le tabac qui est pendu et qui sèche. Et on a naturellement des queues de serpents à sonnette clouées. Parce qu'il y a beaucoup de serpents à sonnette qui environnent les maisons. Alors on en tue un de temps en temps, on sort, on prend un bâton, on le tue. Et pour montrer qu'on a tué un serpent à sonnette de plus, on lui coupe la queue et on cloue la queue sur la paroi en bois de la maison. Mais puisqu'on ne connaît ni la radio ni l'électricité, comment vous a-t-on accueilli quand vous êtes venu faire du cinématographe? Ah ben attendez, je vais vous dire. Ben, d'abord, vous permettez, on ne me connaissait pas. J'étais simplement un Français de passage. Alors j'ai envoyé un émissaire, un garçon du pays qui nous servait de guide, et cet émissaire est revenu et nous a dit « On voudrait savoir si parmi vous il y a des Yankees ». Alors il y en avait un, on lui a dit « Ben moi mon vieux, je veux entrer dans la ferme, tu vas rester là, viens pas ». Alors il est resté là, et puis les autres qui n'étaient pas Yankees, ben nous sommes entrés dans la ferme. Non, pas tout de suite. Notre guide nous a demandé d'attendre, on devait lui faire signe, parce que la maîtresse de la maison voulait s'habiller. Alors la maîtresse de la maison voulait s'habiller, et quand elle était habillée, on nous a fait signe, et nous sommes entrés, et nous avons trouvé une dame d'environ 80 ans, très maigre, presque squelettique, avec un grand air de dignité, et vêtue d'une robe en dentelle noire, très courte et très décolletée. Alors elle nous a fait asseoir, naturellement, sur les chaises balançoires, parce que le sud, c'est la chaise balançoire. Sous le porche en question, il y a soit des cordes, soit des chaînes qui pendent, et des fauteuils pendus au bout de ces chaînes. Et le grand sport dans le pays, c'est de se balancer le soir en attendant la nuit, n'est-ce pas? Alors, nous sommes donc rentrés dans cette maison, c'est là où j'ai pu voir ces accessoires en bois, où j'ai pu voir, enfin, vraiment que tout pratiquement avait été fait à la main par les habitants de la maison. D'ailleurs, les habitants de la maison n'étaient que des femmes. Il y avait la grand-mère et puis des filles à différents âges, dont des très petites et très belles. Parce que les filles en Géorgie sont très belles. Enfin, j'en ai vu beaucoup de belles. Comment sont-elles ? Comme des pêches. D'ailleurs, l'emblème de l'État de Géorgie, c'est la pêche. Parce qu'il y a beaucoup de pêches qui poussent, pas dans le marais, mais dans d'autres terrains plus loin. Il y a beaucoup de pêchers. Et alors, on aime comparer les jeunes filles du pays à des pêches. Et c'est même tellement populaire, cette comparaison, que sur les plaques d'automobile de l'État de Géorgie, il y a une pêche peinte. Et comment sont-elles habillées ? Vous parlez du costume de dentelle de cette dame. Ah oui, mais n'est-ce pas, elle s'était mise, n'est-ce pas, en grande tenue pour recevoir des étrangers. Les filles autour d'elle étaient un petit peu en haillon, je dois dire, n'est-ce pas ? Enfin, elles étaient avec des petites robes de cotonnade mises à même sur leur corps et toutes nu-pieds. Ce qui m'inquiétait beaucoup parce qu'on sait que cette région est pleine de serpents. La végétation immédiatement autour de cette ferme n'était pas les grands arbres dont je vous parle. C'était le champ de tabac et puis des tout petits palmiers qui ont à peu près 50 cm de haut, qu'on appelle des palmettos. Alors les palmettos servent de nourriture à des tout petits cochons noirs qui circulent partout et qui sont à peu près la base de la nourriture viande des gens qui habitent ces fermes. Mais ce que je vous décris là, ça n'est pas du tout la Géorgie ou l'Amérique. Ce sont les environs d'un marécage qui était resté dans un état extrêmement primitif lorsque j'ai eu le plaisir d'y aller il n'y a pas tellement longtemps. Et il n'y avait aucun homme dans la maison ? Dans cette maison-là, non. Dans d'autres, naturellement, j'ai trouvé des hommes. Non, dans cette maison... Ah si, pardon. Mais naturellement qu'il y avait un homme. Seulement, je ne l'ai pas vu. Voilà, la vieille dame nous a expliqué qu'il y avait une pièce de la maison qu'elle ne voulait pas nous faire visiter. Parce que dans cette pièce, il y avait son frère qui était couché. J'ai demandé, il est malade ? On m'a dit, non, il n'est pas malade. Je dis, mais il est couché depuis longtemps ? On m'a dit, oui, depuis 30 ans. Et en effet, le frère était couché depuis 30 ans pour un désespoir d'amour. 30 ans avant, il avait aimé une jeune fille, et cette jeune fille était partie à New York avec un amant et avait refusé de l'épouser. Alors elle avait dit, bon, c'est très bien, puisque j'ai un désespoir d'amour, je me couche et à partir de maintenant, je reste dans mon lit. Et il y avait 30 ans qu'il y était. Mais je suppose que c'est un pays du Sud et la question noire doit se poser là-bas. Oui, la question noire se pose, hélas, vous savez que c'est la plaie des États du Sud. Elle se pose, mais je n'ai pas l'impression qu'elle se pose chez les habitants du Marais. Et comme ce sont surtout les habitants du Marais que j'ai connus, alors je ne connais pas très bien l'aspect de la question. J'ai senti que la question était aiguë chez les habitants de la petite ville. Et notamment chez des gens qui travaillent dans des petites fabriques, des petites usines qu'il y a là, et aussi chez certains chauffeurs de taxi. Et j'ai l'impression que c'est non seulement une question raciale, mais que c'est une question de concurrence. Comme les Noirs de la ville trouvent assez difficilement du travail, peut-être acceptent-ils de travailler pour moins cher, et peut-être y a-t-il là une question de concurrence de prix. Je crois, Jean Renoir, que vous avez rencontré un véritable homme du Sud, qui est William Faulkner. Oui, oh, bien sûr, mais je l'ai rencontré à Hollywood. Non, William Faulkner est un personnage... Là aussi, j'étais très ému à l'idée de le rencontrer, n'est-ce pas ? Comment est-il ? C'est... Comme beaucoup de très grands écrivains, il ressemble à un petit fonctionnaire. Il est habillé modestement, sobrement, il s'exprime dans un langage extrêmement châtié, il est le contraire de l'artiste tel qu'on le décrit dans les livres de Murgère. Oui, Faulkner, est un homme qui n'a pas besoin de s'habiller d'une façon quelconque pour s'imposer. Au bout de 10 minutes de conversation, on sait que non seulement on a affaire à un grand homme, mais qu'on a affaire, pardonnez-moi d'employer une expression banalisée, on a affaire à un gentilhomme. C'est un homme de cheval, il doit être petit, je suppose. Il est petit et Il n'est pas exubérant et il est précis. En plus de ça, il est modeste et il peut se permettre de l'être étant donné son génie. Faulkner est un homme qui, lorsque je l'ai connu, écrivait dans un studio de Hollywood et écrivait des dialogues pour des films très inférieurs. Il considérait qu'il n'y a pas de basse besogne, qu'on gagne sa vie avec sa plume comme on gagne sa vie avec ses mains. Et c'est ce qu'il faisait. Et ça ne l'empêchait pas, parallèlement à ses travaux alimentaires, d'écrire les livres que nous connaissons, n'est-ce pas ? Si vous voulez bien, Jean Renoir, nous retrouvons la prochaine fois dans le sud des États-Unis. C'était « Voyage et rencontre de Jean Renoir ». Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourdaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 10 juin 1960. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. You take a stick with a lick, take a bone. Oh, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A little dancer. That's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz, Messrs. Hall and Young. That's Ed Hall. And Trumbull. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. That's Billy Kyle. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to, well, you know who. Hey, Pops, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail, I sail in, sailing over the sea. Or will you wait for me? Take my tip, they're all Moldo hip in Italy. Well, I've reduce as for France. Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchmen's all prefer what they call les jazz high. Fold me down. take a plane. Oh, Baba do zat. Go to Siam. Baba, yeah. In Bangkok today, round the clock, oh, well, they all like to jam. Indians on. Oh, Baba was it. The Amazon. Oh, Baba do zat. Beat one bar and all of them are. Oh, well, gone, man, gone. From the equator up to the pole. Everybody winging, everybody singing that rock, rock, rock, rock, rock and roll. From the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing the folks dig. Jazz.